vendre. Merci d'écouter nos programmes. Voici tout de suite Histoire vivante sur la première. Très bel après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Genève est la ville russe la plus grande de Suisse. C'est là où la communauté russe est la plus importante. Cette semaine, terre de promesses, terre d'exil. Les Suisses établis en Russie étaient environ 10 000 avant la Révolution. 8 000 d'entre eux ont pris la fuite entre le printemps et l'automne 1918, après la prise de pouvoir par les bolcheviks. Suisse, Russie et retour. L'arrivée de mon grand-père, donc le moment où il a quitté la Russie, c'est 1905, à l'époque des grands pogroms. Il était marié, il avait 3 enfants. C'était beaucoup trop risqué de rester là-bas. Elle nous a tous raconté cette enfance en Russie comme l'évocation d'un Eldorado, d'un monde perdu. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Bien, je suis Nathalie Pfeiffer et je suis comédienne suisse-romande. Vous avez toujours été comédienne ? Oui. Vous avez commencé dans le berceau ? J'ai quand même fait une vague formation de tapissière décoratrice. Et après, je suis tout de suite partie à Paris pour devenir comédienne, oui. C'était lié à des gens de votre famille ? Du tout. Alors, personne dans ma famille. Non, pas du tout. Je crois que c'est lié à, en fait, à un rêve. Et à un moment donné, on se dit, bon, on va faire du rêve la réalité. Comme j'ai travaillé 4 ans comme tapissière dans un atelier, j'ai beaucoup écouté la radio. Et en écoutant la radio, j'ai beaucoup rêvé. Et voilà. Et notamment les dramatiques, radio, par exemple ? Les dramatiques, ouais. Les policiers, tout ça. Et la musique, je sais pas, on est 9 heures par jour à faire quelque chose avec ses mains et finalement on rêve. Et en fin de compte, je me suis dit, bah, je vais partir à Paris faire ça. Et l'oreille continue pour vous d'être en action ? Oui, bien sûr. Oui. Les comédiens formés par l'oreille ont généralement une approche d'une attention particulière aux répliques, notamment de leurs partenaires. C'est l'oreille chez moi pour la musique, pour le théâtre et pour le grain de voix, pour les entretiens, bien sûr. Ça compte beaucoup. La musicalité compte beaucoup. Qu'est-ce qu'elle dit, la musicalité ? Bah, ça dépend qui on a en face. Bien sûr. Et puis, les silences entre les musiques sont importants aussi. Presque encore plus importants parfois. Vous pouvez nous parler de votre famille et notamment de votre grand-mère ? Bon, je ne vais pas vous dire comme tout le monde que ma grand-mère était la meilleure grand-mère du monde. Non, mais elle avait quelque chose. Rien ne vous en empêche. Non, mais... En tout cas, elle nous a marqués. On était 4 enfants, elle nous a marqués tous les 4. Ça, c'est sûr, de par le fait que c'était une personne qui avait une grande élégance, beaucoup de tenues, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu de la classe. Alors, il y a des périodes où on a trouvé que c'était plutôt quelqu'un qui était engoncé dans ses bonnes manières. Mais il y a des périodes où on a trouvé ça charmant. Il y a des périodes où on a trouvé ça idiot. Mais en tout cas, la personnalité nous a marqués. Et elle a donné beaucoup d'amour pour nous 4, parce qu'elle-même n'avait eu qu'un enfant qui lui avait été enlevé. Donc elle nous a donné beaucoup d'amour et elle nous a à tous raconté cette enfance en Russie comme l'évocation d'un Eldorado, d'un monde perdu. Où était-elle ? Elle était à Saint-Pétersbourg. Elle est née à Saint-Pétersbourg. Et chacun de nous 4 a des moments différents, mais très certainement au détour de l'adolescence, on a tout d'un coup été passionnés par cette histoire. Elle nous l'a jamais racontée aux 4 ensemble. Elle l'a racontée séparément à chacun de nous. Et chacun y a pris quelque chose. Pour moi, ça a été une forme de nostalgie et cette apparition dans ma vie de ce que peut être le monde perdu, l'Eldorado. Et c'était très très fort chez elle, puisqu'elle n'a jamais pu retourner en Russie après son retour en 1918. Et donc voilà, mon adolescence a été parsemée de ces récits. Et puis beaucoup plus tard, quand elle était âgée et qu'elle a été dans une maison de retraite, elle avait écrit des livres, des gros albums avec les photos de Russie qu'elle avait commencé par coller et puis annoter. Et puis les annotations sont devenues des courts récits et puis le court récit est devenu journal. Et à la fin, quand elle était dans cette maison de retraite, je savais pas trop quoi lui dire après qu'on ait mangé ensemble. J'ai pris ses albums et je lui ai relu ce qu'elle écrivait. C'est comme ça que j'ai commencé à les lire, en fait. Et elle trouvait ça merveilleux que je lui re-raconte, en somme, cette enfance perdue. Du coup, elle corrigeait quand elle vous réentendait? Non, elle réécoutait comme si c'était la première fois. Parfois, elle rajoutait quelque chose, mais... Et elle se confortait encore une fois dans cette heureuse naïveté que ce qu'elle avait vécu était le plus beau du monde, la plus belle période du monde. Enfant ou adolescent, on peut avoir envie d'entendre, comme votre grand-mère, la même histoire plusieurs fois. Mm-hmm. Est-ce votre cas? Et y a-t-il eu une histoire que vous aviez plaisir à lui réentendre dire? Bien sûr, je suis comédienne, donc la répétition au sens de Gilles Deleuze, c'est-à-dire la répétition avec une puissance chaque fois différente, est extrêmement importante. Je pense aussi que pour les enfants, c'est très bien de revoir 10 fois le même film ou de lire 10 fois le même livre, parce que c'est comme ça qu'on apprivoise la peur et qu'on peut retrouver le plaisir et la réjouissance du plaisir. Puisque maintenant on parle beaucoup de jouissance, mais je pense que la réjouissance, le fait de se réjouir, de s'attendre au plaisir qui va venir, compte énormément. C'est peut-être aussi des notions un peu perdues. Mais du coup, moi j'aimais beaucoup quand elle nous racontait ses histoires. Alors j'adorais l'histoire de Raspoutine, parce qu'évidemment, c'était un peu sulfureux. Donc je pense qu'en tant qu'adolescente, la partie entre guillemets horrible de son conte me plaisait beaucoup. Vous pourriez nous en donner quelques saveurs? Alors l'histoire de Raspoutine, c'était, alors elle racontait ça avec une voix assez fluette. Le papa travaillait à l'hôtel d'Europe et un soir, Raspoutine est venu manger là, dans un cabinet particulier avec des femmes. Il mangeait comme un moujik, il avait une barbe huileuse et papa a dû rester très tard. Le lendemain, maman lui a demandé où il était et il a raconté l'histoire du moujik. Moi, j'ai toujours, après coup, j'ai pensé que c'était faux, que c'était enfin une histoire inventée, voilà, par la suite, quand je suis devenue adulte. Et puis quand je suis allée moi-même en Russie, j'ai passé à l'hôtel d'Europe, ils m'ont donné un livre sur l'hôtel et j'ai vu que Raspoutine était venu manger. Ça ne s'oublie pas. Au grand restaurant, voilà, ça s'oublie pas. Donc c'était vrai en fait. Il y avait ça, il y avait l'évocation des cuisinières qui découpaient des chevaux sur les bords de la Neva pour les manger. Et j'ai retrouvé d'ailleurs ce type de récit à Stalingrad, après, dans les lettres de Stalingrad. Donc ça, c'était des choses qui me plaisaient bien, adolescente, parce que le choléra, Saint-Pétersbourg, la guerre, ça me plaisait beaucoup, parce que j'étais un petit peu contestataire. Alors que quand j'étais plus petite, c'était peut-être plus les récits de la petite fille avec son petit manchon de fourrure et son petit canari qu'on lui avait offert qui me plaisaient beaucoup. Vous avez pu partager entre vous les différents récits que votre grand-mère vous a délivrés. Et est-ce que d'autres ont eu droit à leurs histoires et vous les vôtres? Alors nous quatre, on a partagé un petit peu au moment de la sortie du livre, Une enfance à Saint-Pétersbourg, parce que avant ça, on les avait pas tous lus, ces journaux. En tout cas, on s'est jamais retrouvés pour en parler. Mais quand j'ai fait le spectacle et puis que le livre est sorti, alors on a fait une postface. Donc du coup, chacun a dû réfléchir un petit peu à ce que ça voulait dire pour lui ces récits. Et comme c'était peu de temps après le décès de ma grand-mère, du coup, on en a reparlé un peu et chacun a dit un petit peu comment il avait vécu ça. Comment vous l'avez monté, ce spectacle? À quoi il ressemblait? Alors, j'ai travaillé... Il a été en 2006, hein, c'est ouais, ça? Oui, en 2006, j'ai travaillé avec une metteur en scène russe, Marina Alexandrovskaya. On m'avait demandé ce spectacle pour l'exposition Suisse-Russie, 500 ans d'amour et d'oubli. Ça devait être une prolongation de l'évocation de ces familles qui étaient parties en Russie. Et j'avais déjà... dactylographié, enfin on dit plus comme ça, saisi le texte qui était dans les journaux de ma grand-mère, donc bon. Et après je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça, parce que d'un côté ça me paraissait extrêmement sirupeux, un comtesse peu de Ségur, oui, sans enfin, la cruauté, voilà, oui, c'est ça. Et donc la metteur en scène russe, elle m'a pas mal appris, elle a pris ce texte, elle a bidouillé là-dedans, et en fait elle est partie des sensations. Elle a fait un chemin lié aux sensations. Elle m'a fait jouer la vieille dame, la petite fille, d'autres personnages, avec très très peu d'accessoires, puisque c'était dans le musée. Mais elle m'a fait commencer par le lilas blanc, qui était une partition de musique que ma grand-mère avait, qu'elle jouait au piano, qui vient de là-bas. Et continuer avec un bouquet de lilas sur la perspective Nevski que mon arrière-grand-mère avait pris dans une calèche, et remonter toute la perspective Nevski jusqu'à la corsetière au lilas blanc. Et en fait, on rentrait dans le récit comme ça, en passant de la personne âgée à l'enfant, et les gens comprenaient très bien. Au début, je me suis dit, mais ils vont rien comprendre, c'est pas chronologique, ça veut rien dire. Mais en fait, c'était la vieille dame qui se rappelait tout ça. Jusqu'au retour en Suisse dans le train, les douches de désinfection, tout ça, qui sont quand même des moments assez forts, et l'arrivée à Bâle. Elle revient en quelle année? Il en 18. Revient en 18. Vraiment presque le plus tard possible, alors que d'autres étaient partis, les cousins étaient partis au printemps 18, beaucoup de Français en 17 déjà. Ils sont partis vraiment en octobre 18, après que les bolcheviks aient envahi l'hôtel d'Europe. En fait, puisque mon arrière-grand-père avait promis qu'il resterait jusqu'à la fin. Quelle était leur situation là-bas? Que faisaient-ils? Dans quoi travaillaient-ils? Alors mon arrière-grand-père était chef du grand restaurant de l'Hôtel d'Europe. Il était parti avec Wolfensberg, qui en était le directeur. Ils étaient trois à partir ensemble. Je me souviens plus le nom du troisième. Ils ont fait plein de travaux et mon grand-père travaillait là. Et c'était un monstre, cet hôtel d'Europe. C'était 6000 mètres carrés au sol. C'était un restaurant à chaque étage. Ils ont créé le Roof Garden, le restaurant sur le toit. C'était 40 garçons tartares sous ses ordres. Il y avait Boissonna qui était là. Il y avait une génératrice électrique qui rendait le bâtiment indépendant. Enfin, il y avait une cave des vins complètement folle. Et pour lui, qui venait de Neuchâtel et d'une famille d'hôteliers, mais très simple, qui avait ouvert le chapeau de Napoléon à Fleurier, ben, je pense que pour lui, c'était magnifique. C'était vivre dans l'argenterie des autres, c'était vivre dans un univers fabuleux. Et c'était vraiment fabuleux. Il a rencontré sa femme là-bas, ma grand-mère est née là-bas, et ils ont eu, si vous voulez, artificiellement une richesse qu'ils n'auraient jamais eue à Neuchâtel, qu'ils n'auraient jamais vécu, et la possibilité de s'enrichir, de s'élever, en réalité. Mais non seulement, je pense, de s'élever en termes d'argent, parce que je suis pas sûre que son salaire était si fabuleux que ça, je crois pas, mais plutôt de s'élever pour eux, d'accéder à une société où on parle les langues, où on lit, où on essaye d'élever son esprit aussi, dans un esprit plutôt du 19e, je dirais. D'appartenir presque à cette société? Certainement. Il était honoré de servir des chefs d'État quand la guerre entre le Japon et la Russie en 1905 s'est signé là. Il était honoré. Pour lui, c'était merveilleux de pouvoir parler avec ces gens. Même quelques minutes. Je ne sais pas ce que ces gens lui disaient en réalité. Peut-être rien, peut-être il ne lui serrait même pas la main, je ne sais pas. Mais pour lui, c'était très important. Et toute la tenue de la famille allait avec ça. Je reviens au spectacle Nathalie Pfeiffer que vous donnez en 2006. C'est pas banal de, non pas de jouer le rôle d'une personne âgée, ça, toute comédienne ou comédien a à le faire, mais quand c'est sa propre grand-mère, c'est un tout petit peu différent. Et du coup, est-ce que vous ouvrant au travail et à l'exercice de la comédie, vous avez vécu une étrange rencontre avec votre propre grand-mère en interprétant sur scène? Non, je crois pas. Parce que moi, je l'ai vraiment pris comme un rôle. Donc, je suis sortie après de l'histoire de ma grand-mère pour m'intéresser plus à l'essence de ça. En revanche, la rencontre avec les objets qui m'ont servi sur scène, puisque j'ai fait un mélange de vrais objets et de faux objets. Objets lui appartenant. Lui appartenant, voilà. Donc c'était le vrai passeport, mais c'était un faux journal que j'avais recomposé. Un faux journal avec des photos, des restes de ses photos à elle, mais aussi des photos d'autres personnes. Et c'est plutôt le rapport au sacré. C'est-à-dire comment l'objet qui vient sur scène, apporte avec lui un bout du fantôme de la personne qui l'a porté. Et comment cette présence peut permettre aux comédiens de dire les choses avec plus de profondeur ou de vibration. Le fait de jouer avec la tresse de mon arrière-grand-mère, le fait de tenir un passeport qui a vraiment passer la frontière en 1918, c'est quelque chose qui fait vibrer le comédien et qui nous met en relation avec le monde des morts, qui nous donne un message pour les vivants. Mais ma grand-mère, je l'avais oubliée. Non, c'était plus. Je ne suis pas restée dans le sentimentalisme d'une histoire de famille. Je suis un peu sortie de là. Et ses ancêtres, votre sensation, sont-ils venus voir votre spectacle? Sont-ils venus vous voir jouer? Alors, oui, et puis beaucoup d'ancêtres, parce que j'ai été vraiment frappée du succès de ce spectacle. On l'avait prévu dans ce musée, je crois, le dimanche à 11h, avec le directeur du musée, Laurent Goulet. On s'était dit que c'était bien, enfin voilà. Et puis, c'était plein tout de suite, c'était plein. Et on a dû faire 2 séances par jour, puis 3 séances par jour. Donc, je l'ai joué 3 fois par jour. Ça fait 3h30 de scène. C'est un peu comme si on jouait un Shakespeare toute seule. Je peux vous dire que j'étais vraiment fatiguée. Et en fait, on n'a pas compris ce que les gens venaient faire là. Mais en réalité, tous les gens qui venaient vers là, ils avaient vécu une rupture brutale dans leur vie et un exode. En fait, c'était l'exode. C'était ça. Et ils avaient, eux aussi, leur Eldorado, qui pouvait s'appeler l'Algérie, qui pouvait s'appeler le Vietnam, qui pouvait s'appeler peu importe, hein, d'autres pays d'Afrique. Et ces gens sont venus et ils ont pris avec eux ce récit qui est devenu leur récit aussi. Et ils m'apportaient des objets à eux, des bouts de lettres, des petits mouchoirs en soie qui venaient de là-bas, je sais pas, bon, mais des objets incroyables. Et ils me racontaient eux aussi l'exode de leur famille, la fin brutale d'un moment qui est pour votre famille un Eldorado. Voilà. Est-ce que tous, parmi ceux qui ont pu vous en rendre témoignage, vivaient au même diapason, fait de nostalgie, de représentation mythique? Moi, j'ai l'impression. On trouve ça aussi chez Tennessee Williams, dans Le tramway nommé Désir. Il y a cette propriété de bel rêve qui a été perdue. Ça court sur des générations. Alors parfois, ça génère encore des colères plusieurs générations après. J'ai perdu la propriété de mon ancêtre portugais en Argentine. On avait tant d'hectares et on nous l'a pris. Donc il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la nostalgie. D'une grandeur passée ou d'une richesse passée, ça dépend. Mais je pense que oui, oui, ça reste sur plusieurs générations jusqu'à ce que ce soit complètement oublié. J'ai même vu au Brésil la famille de William Michaud, qui était un veuvaison qui est parti au Brésil en 1848. Il est parti dans la province de Superagui, il y a fait souche, mais il reste plus rien de lui là-bas. Mais à Vevey, il reste ses lettres et ses dessins. Et j'ai fait un spectacle autour de ses lettres et de ses dessins, et je suis allée dans la province de Superagui. Et j'ai rencontré une vieille brésilienne aux yeux bleus, Michaud, de, je vois, 85 ans, je n'étais pas des lentilles, et qui m'a dit « Vous venez m'apporter mon héritage ?» Et elle savait, quelque part, qu'elle avait un ancêtre qui avait un très beau château en Europe et qui était un peintre. Voilà, c'est tout ce qu'elle savait. Moi, je leur ai lu les lettres, ils se sont réunis à une table sous un néon et je leur ai lu les lettres de leur ancêtre. Il y avait quelqu'un qui traduisait. Et tous ces épisodes, ils en avaient entendu parler comme des légendes. C'est le début des légendes. Et votre lecture, elle les a-t-elle... Ah ben, bien sûr, c'était fou. On serait resté toute la nuit. On ne voulait plus partir. En lisant les lignes de votre grand-mère, j'ai été étonné de voir que elle ne me semblait pas vraiment percevoir à quel point cette société russe, même si elle était effectivement toute petite, est au fond la même dépeinte par Tchekhov. Mmh. C'était une aristocratie sur le déclin, sauvée souvent par la comédie des apparences, mais en réalité ruinée la plupart du temps et défendant avec parfois peu de conviction des valeurs dépassées. Ну, так женщина лучший человек, Порфирий Семенович? Лучший. О, вы большой женолюбец, Порфирий Семенович. Да. C'est ainsi qu'on la retrouve dans l'adaptation de Mikhalkov, une partition inachevée pour piano mécanique, où Mikhalkov adapte ce fou de Platonov, film qui date de 1977. Est-ce que vous aussi, d'autant plus que vous êtes comédienne, en lisant les lignes de votre grand-mère, vous vous êtes dit, mais qu'a-t-elle vu, qu'a-t-elle imaginé, lors même que, à l'évidence, d'autres regards, les regards, disons, de médecins, étaient plus secs vis-à-vis, plus secs, encore que non, avec Tchekhov, on ne peut pas dire plus sec, mais il regardait autrement cette bien société. Bien sûr, c'est hallucinant de voir que... Bon, alors on peut excuser ça, il n'y a pas à l'excuser d'ailleurs. On peut comprendre ça en se disant que c'était une enfant et que c'était le premier contact avec la vie qu'elle a eue, c'était dans ce monde-là. Donc elle le trouvait très bien, forcément. Mais après, quand elle a écrit ça, puisqu'elle a écrit tout ça étant une dame âgée, qu'elle n'ait pas eu de distanciation par rapport à ça, et elle avait certainement lu Tchekhov, puisque, bon, là, quand elle est petite, elle dit qu'elle lit Tourguenieff et tout ça, mais après, elle a dû quand même lire Tchekhov et tout. Donc, on comprend pas cette... elle est vraiment restée coincée, en fait, là-dedans. Et en plus, dans un amour de soi-même et un amour de ça qui est proche d'une immense naïveté ou d'une naïveté ou d'une bêtise ou alors d'une forme presque un peu de folie, quoi, quelque part. Enfin, j'entends. Mais vous employez l'expression « paradis perdu ». On ne lâche pas le paradis facilement. C'est ça. C'est ça, elle est restée petite. Alors, il paraît, alors ça, c'est le psychanalyste qui dit, moi, je sais pas, mais il paraît que les enfants qui ont vécu comme ça des chocs à l'adolescence terribles restent facilement, enfin, pour eux, ça compte énormément. Que leurs souvenirs sont beaucoup plus vifs, parce qu'il y a des choses dont on se demande comment elle peut, enfin, s'en souvenir. Moi, j'ai pas ces souvenirs-là de mon adolescence, mais il paraît que les adolescents pour qui il y a eu une rupture comme ça, ça ravive des souvenirs qui restent beaucoup plus, et du coup, ils sont plus ancrés là-dedans. Mais il y a une espèce, effectivement, d'ego. Quand elle dit qu'elle va aux îles de Kretovsky en calèche, avec un magnifique cocher. Elle décrit le bruit des pavés en bois. C'est très sensuel, très cinématographique. Ça ressemble aux yeux noirs, enfin, tout ça. Et qu'il se retrouve, il se retrouve sur cette île, entouré de gens comme eux, heureux. On est sidéré. Alors que tout s'écroulait autour d'eux. Enfin, c'était vraiment. Elle parle du choléra dans le tram. Enfin, voilà, les gens qui mangent les chevaux au bord de la Neva, les cadets qui se font tuer. Enfin, je veux dire, elle a quand même vécu tout ça. 16, 17, 18, jusqu'en octobre, c'est quand même. Mais il n'y a rien de ça. Juste une fois, leur calèche qui est poursuivie par on ne sait qui. Le père qui a peur dans la nuit, qui harangue le cocher, la houppelande en moto de loup. Enfin, tout ça est très romantique, mais non, je sais pas. Good clone of the man. It's a sure. So, keep the car man in the shield. Pardon, to my care who's so in the same. You're you, but you're in the shield. Sure, clone of the man. Nathalie Pfeiffer, vous venez à ce micro, mais on vous verra également un dimanche soir sur RTS2, puisque vous avez participé à ce documentaire qui s'est intéressé aux Suisses de Russie. Est-ce que quand le réalisateur vous a fait la proposition, vous avez dit d'abord « non, j'ai rien à dire », qu'est-ce que je peux bien faire là-dedans ? Comment ça s'est fait ? Non, moi j'étais contente, mais moi je suis comédienne, alors si un réalisateur veut faire quelque chose, je suis toujours très contente. Tout est bon à prendre. Écoutez, non mais c'est vrai. Et puis on trouve, avec mes frères et sœurs, on trouve que c'est un bel hommage rendu à ma grand-mère, même si elle l'a jamais vue, et mon père non plus d'ailleurs. Mon père voulait pas entendre parler de la Russie, évidemment. Il y a eu toute une époque où on parlait plus du tout de la Russie, hein. Le grand moment du communisme, enfin, là... ça tombe bien, ça ne s'appelle pas la Russie à ce moment-là. Voilà, alors, vraiment, en 93, quand Leningrad a retrouvé son nom de Saint-Pétersbourg, ma grand-mère l'a marqué, enfin, et tout ça. Donc, mon père, lui, il ne voulait rien entendre de ça. Donc, nous, on a trouvé que c'était assez joli, comme un hommage, mais voilà. Et qu'avez-vous raconté ? Je ne sais plus. Il faut que je voie le film, je ne sais plus. Des bêtises, sûrement. Écoutez, on regardera ça ensemble dimanche soir sur RTS2. En attendant, merci déjà d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci. Ce passeport nous a été délivré par la légation suisse lors de notre départ de Russie, fin septembre 18. Donc ils sont les trois ensemble. Sur le même passeport. Ouais. Voilà. Ils sont partis le 17 octobre, je crois. À part ça, historiquement, octobre 1918, c'était une grosse histoire à Saint-Pétersbourg. Ouais. Là, il n'y a plus rien qui... C'était l'avant-dernier train, je crois. Et là, ils mettent des meubles dans un petit garde-meubles. Ils ferment l'appartement en mettant des housses. Ils donnent la clé à leurs voisins en disant, on va revenir dans 3 semaines. C'est ça. Parce que tu ne peux pas partir en pensant que tu ne viendras pas, à mon avis. Ouais. Et là, à la fin, donc, elle dit, nous voilà tous les derniers Suisses. Convoqué pour 9h du matin à la gare de départ, nous devrons patienter pendant des heures, assis sur des valises, parmi les étuis à cannes, les parapluies, les trousses de toilette, les sacs à provisions, au pied d'une montagne, des plus gros bagages. Entre voisins, nous parlons à mi-voix, de fatigue, exprimons notre quasi-certitude de revenir dans notre cher pays d'adoption, une fois la folie apaisée. Les Suisses établis en Russie étaient environ 10 000 avant la Révolution. 8 000 d'entre eux ont pris la fuite entre le printemps et l'automne 1918, après la prise de pouvoir par les bolcheviks. Extrait de 1918, Fuite des Suisses de Russie, de Ruben Rossello.